Je t'ai vu dans le noir, tu m'as plu au premier regard. Je t'ai pris un peu à part, tu m'as dit prends-moi ce soir. Je t'ai bu dès ce soir, mais j'ai perdu tout sans savoir. Tu m'as bu dès ce soir, tu m'as aimé jusqu'au dernier. Je t'ai plus, mais ce soir.